Sa tête, c'était qu'elle est la mère des hommes sur la terre. Olé. Et voici que la mère retombe en enfance. Olé. Il faut que ça change. Que ça change. Regardons à l'est, regardons à l'ouest. Olé. Ils se font des alliances pour parer aux crises. Olé. Nous on fait la guerre pour nourrir les infos. Il faut que ça cesse. Que ça cesse. On prend d'abord les armes, ensuite l'humanitaire. Olé. La guerre est la logique de l'homme préhistorique. Olé. Et y a un seul qui gagne, c'est le fabricant d'armes. Olé. Ça change. Que ça change. Le système a des vices qu'il nous faudrait comprendre. Olé. Nous avons ce qu'il faut pour rendre la vie belle. Olé. Les enfants prennent la route pour chasser les mirages. Olé. Il faut que ça se passe. Ça se passe. Tant de talents perdus, problème d'éducation. Il nous faut préparer un lendemain à tous. Olé. Il pourrait faire si bon sous le soleil d'Afrique. Olé. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. On nous a tellement dit de si belles paroles. Olé. L'on ne sait plus qui c'est, le bon Dieu ou le diable. Olé. Après ça je me tais, car je deviens bavard. Olé.